إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد ما زلنا في دراسة هذه المقدمة التي هي بين أيدينا للإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى قوله إلى قول المؤلف لما ذكر بعض الأسماء الحسنى ومنها السميع البصير والعلي الكبير وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وتوقفنا عند قول المصنف وأنه فوق عرشه المجيد بذاته on va continuer les frères inshallah. Donc hier on s'était arrêté, si vous en rappelez, lorsque l'auteur Ibn Abi Zayd, dans cette introduction, nous avait relaté la croyance au fait qu'Allah Jalla wa Ala, eh ben, nous a mentionné au sujet d'Allah Subhanahu wa Ta'ala que les gens ne peuvent embrasser de sa science que ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, son siège s'étend sur plus que les cieux et la terre, dont la préservation n'est en rien pesante pour lui, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il relata et mentionna certains noms parmi les noms sublimes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on s'est arrêté justement lorsqu'il a mentionné parmi les noms sublimes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, as-sami' wal-basir wal-ali-yul-kabir. Et ensuite, l'auteur dit, et il est par son essence sur son trône glorieux et par sa science en tout lieu. Et donc, on était en train d'expliquer maintenant, hier on avait commencé à expliquer cette partie-là, lorsque l'auteur dit, après avoir cité certains noms parmi les noms sublimes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc ensuite, il va maintenant mentionner une question très importante en disant « Il est par son essence, c'est-à-dire par son être, Allah subhanahu wa ta'ala, sur son trône glorieux et par sa science en tout lieu. Il a créé l'homme, sait ce que son âme lui suggère et se trouve plus près de lui que sa veine jugulaire. » Donc on va continuer, Inch'Allah. Et ici, lorsque Shir avait mentionné parmi les noms d'Allah Al-Aliyu Al-Kabir, avant de mentionner le fait qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône, donc l'auteur a mentionné qu'Allah est le plus élevé. Il a mentionné ici le nom qu'Allah est le très haut, qui sous-entend et dénote ici l'élévation, l'attribut de l'élévation, ça c'est très important. Donc il va d'abord ici faire, on va dire, une allusion à l'attribut de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il va mentionner d'une manière claire et précise qu'Allah est au-dessus de son trône majestueux. Bi-dhatihi. Bi-dhatihi. Et comme il précise bien, il le précise hein, par son essence, et ensuite il dira et par sa science en tout lieu. Et ça, c'est ce qu'on va expliquer. En ce qui concerne Al-Ulu, Cheikh Fawzan nous explique quelque chose de très important en ce qui concerne l'élévation. Et il dit Ey, ala makhluqatihi la al-ulu al-mutlaq, ulu al-dhat fawqa makhluqatihi, wa ulu al-qadr, wa ulu al-qahr. فأنواع العلو الثلاثة كلها ثابتة لله جل وعلا. Donc ça c'est dans le point 3, hein, dans la page 46, hein, selon l'édition. Dans la page 46, dans le point 3, dans l'explication 3 de Cheikh Al-Fawzan. Ici, il a sous-entendu, il a expliqué une chose très importante, Cheikh. Il a parlé de l'élévation, de l'attribut de l'élévation. Et il a mentionné les trois, ici, catégories. Les trois catégories d'élévation. Sachez que les savants, lorsqu'ils parlent de cet attribut, qui est l'attribut de l'élévation, le fait qu'Allah soit élevé au-dessus de toute sa création, il est au-dessus de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Et rien n'est au-dessus de lui. Jalla, Jalalu. Et ça, ça fait partie de la croyance des musulmans. Et pour cela, sachez que les savants disent qu'il y a trois formes d'élévation. Il y a ulu al-dhat, l'élévation de l'être, si vous voulez, traduction relative, la première catégorie, l'élévation ici. Ulu al-dhat, c'est-à-dire que Allah, ici, est élevé. Allah subhanahu wa ta'ala, bi-dhatihi. Allah jalla wa ala s'est élevé au-dessus de toute chose, au-dessus de toute sa création. Allah est le très haut et le plus haut, subhanahu wa ta'ala, bi-dhatihi, par son essence et son entité. Jalla, jalalu. Il y a une deuxième forme d'élévation, la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle ulu al-qadr. C'est l'élévation, ici, si vous voulez, de qui dénote sa grandeur et sa valeur. Sa grandeur, ici, et sa valeur. C'est ce qu'on appelle ulu al-qadr. Il y a ce qu'on appelle ulu al-qahr. Maintenant, la troisième catégorie, ce qu'on appelle ulu al-qahr. C'est son élévation, sous-entendant ici sa domination. C'est-à-dire qu'Allah domine toutes ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'auteur ici, l'auteur a fait allusion à l'élévation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, ce qu'il faut comprendre dans l'élévation, c'est ces trois catégories. Aussi bien Allah Jalla wa Ala est élevé au-dessus de toute sa création et ses créatures, comme Allah Jalla wa Ala est élevé d'une élévation qu'on appelle ulu al-qadr ou ulu al-qahr. Qu'Allah est élevé au-dessus de tout, il domine tout, subhanahu wa ta'ala. Et l'attribut de al-ulu, l'attribut de l'élévation, comme on verra, c'est ce qu'on appelle sifat dhatiyya. Comme ce qui va venir, il fait partie des attributs d'essence. Des attributs d'essence. Ensuite, Cheikh dit, Cheikh Al-Fawzan continue dans l'explication. Et en ce qui concerne Al-Kabir, c'est-à-dire qu'Allah est le plus grand. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar ay. Ay akbar min kulli shay. La ahada akbar min subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah est le plus grand, subhanahu wa ta'ala. Et rien n'est plus grand que lui, jalla jalalu. Ensuite, Shir dit, en ce qui concerne le trône, il dit, wal arshu huwa saqf al makhluqat wa a'laha. Wallahu fawqa al arshu bi dhatihi, la bi ilmihi kama taqul al mu'awwila. Innahu fawqahu bi ilmihi aw بقدرته أو بسلطانه بل هو سبحانه وتعالى فوقه بذاته قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى والاستواء صفة فعلية أما العلو فهو صفة ذاتية ولهذا جاء الاستواء مرتبا على الخلق السماء على خلق السماوات والأرض قال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فالاستواء صفة فعلية يفعلها الله جل وعلا متى يشاء أو متى شاء وأما العلو فهو صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى وجاء لفظ استوى على العرش في سبعة مواضع من القرآن. Donc regardez les frères. Alors, ensuite l'auteur nous dit, et Allah est au-dessus de son trône majestueux. Bidatihi, par son essence. Cheikh, dans son explication, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il constitue le toit de la création. C'est-à-dire, lorsque Cheikh nous dit, il constitue le toit de la création, c'est-à-dire le trône. Il constitue le toit de la création, Wallahu, et Allah est au-dessus du trône, subhanahu wa ta'ala. Bidatihi, par son essence même, par son être, subhanahu wa ta'ala, la bi'ilmihi. Et Shir nous dit, il n'est pas sur son trône par sa science. Comme l'interprète cette doctrine qu'on nomme la doctrine de Al-Mu'awwila, la fraction des Al-Mu'awwila. Al-Mu'awwila, ce sont ceux qui recourent à l'interprétation, qui ont recours à l'interprétation dans le domaine des noms et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu, c'est le ismen fa'il du verbe awwala yu'awwilu. C'est pour cela que al-masdar, on dit at-ta'wil. At-ta'wil. Donc al-mu'awwila, c'est ceux qui font at-ta'wil dans le domaine des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ils interprètent. Ici, pour ne pas ici affirmer le sens littéral, le sens clair qui a été confirmé par les pieux prédécesseurs et le sens qui a été adopté par les pieux prédécesseurs. Et de ce fait, lorsque tout à l'heure on a parlé des trois catégories d'élévation, ceux qui ont recours à l'interprétation, eux, n'acceptent que deux parmi les trois. C'est-à-dire, ils acceptent l'élévation dans le sens de la valeur, de la grandeur, qu'Allah est le plus grand, il est élevé. Il est l'élevé hein, au-dessus de tout, du fait qu'il est le plus grand. Il est élevé par sa valeur, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qu'on appelle « ulul qadr ». Ils acceptent aussi, ils affirment aussi « ulul qahr », l'élévation dénotant la domination, c'est-à-dire le fait qu'Allah soit élevé, qu'il est l'attribut de l'élévation, dans le sens qu'il domine plutôt toute la création, subhanahu wa ta'ala, celle l'accepte. Donc ces deux formes d'élévation, ceux qui sont al-mu'awwila, cette doctrine-là, acceptent. Par contre, ils réfutent et n'acceptent pas ulub al-dhat, le fait qu'Allah soit élevé, que lui-même, Allah Jalla wa Ala, soit élevé au-dessus de son trône, comme on le verra. Ce sens-là, cette catégorie-là d'élévation, cela, il ne l'accepte pas. C'est pour cela qu'il réfute le sens que al-istiwa, les sens qu'on a commencé à expliquer dans le cours dernier, qu'on va réexpliquer. On va réexpliquer le sens al-istiwa. Taïb. Alors, Cheikh ensuite nous dit que ceux qui ont eu recours à l'interprétation n'ont pas voulu accepter le sens connu des Arabes et le sens adopté par nos pieux prédécesseurs. Alors, ils ont dit que Allah Jalla wa Ala est au-dessus de son trône dans le sens sa science, par sa science, par son savoir, subhanahu wa ta'ala, par sa puissance et par son autorité. Vous avez vu ce que nous explique Cheikh ici, Al-Fawzan, lorsqu'ils disent « Innahu fawqahu bi'ilmihi wa bi'qudratihi wa bi'sultani ». C'est-à-dire qu'ils acceptent qu'Allah est élevé au-dessus du trône par son savoir, sa science, par sa puissance et son autorité, subhanahu wa ta'ala, par sa domination. Mais regardez, l'auteur stipule bien wa annahu fawqa 'arshihi al-majid bi dhatihi. L'auteur Ibn Abi Zayd lui stipule bien qu'Allah Jalla wa Ala s'est élevé au-dessus de son trône, il est au-dessus de son trône bi dhatihi. par son essence, subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, comme il le dit, Allah, il est par son essence sur son trône glorieux. Donc vous avez vu, l'auteur confirme ici, par son essence. Allah est élevé. Par son essence, s'est élevé au-dessus du trône. Il s'est établi sur le trône majestueux, subhanahu wa ta'ala. Et cela, comme on va le voir, comme il convient à sa magnificence et sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Alors, pour cela, ensuite, Cheikh nous dit que al-istiwa, donc c'est un attribut d'action. Donc, on a des attributs qu'on appelle des attributs d'action, ce qu'on nomme sifatun fi'aliyya, des attributs d'action. Et al-ulu, et l'élévation, c'est un attribut qu'on appelle d'essence, si on peut traduire de la sens, un attribut d'entité, si vous voulez. Donc on a des attributs qui sont considérés chez les savants des attributs d'action, et il y a des attributs qui sont considérés des attributs d'essence, liés à l'entité, et à l'essence même du créateur, subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit que l'istiwa fait partie de sifat al-fi'aliyya. C'est-à-dire, qu'est-ce que sont les attributs liés aux actions? C'est « يَفْعَلُهَا اللَّهُ مَتَا يَشَاءَ ou « مَتَا شَاءَ ». C'est-à-dire que Allah l'accomplit, le fait lorsqu'il le veut et le désire, subhanahu wa ta'ala. « وَأَمَّا الْعُلُو فَهُوَ صِفَةٌ ذَاتِيَّ لَا تَنْفَكْ عَنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. » Mais en ce qui concerne l'élévation, par exemple, l'élévation, c'est un attribut, comme on a dit, relatif à l'essence. Comment qu'on appelle? On a dit sifatun dhatiyya. C'est-à-dire, alors que on a dit al-istiwa, qui est le fait de s'établir sur le trône ou s'élever sur le trône, al-istiwa, on a dit, fait partie du nombre des attributs relatifs à l'acte, aux actions, sifat al-fi'aliyya. L'élévation, lui, comme on a dit, le fait qu'Allah soit élevé, l'attribut de l'élévation, par contre, fait partie d'une qualification qui est inhérente à son essence. Qui est inhérente à son essence, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on dit, par contre, les attributs liés à l'acte, comme on vient de l'expliquer, c'est-à-dire que ces actes-là, Allah Jalla wa Ala les accomplit par sa volonté et sa puissance, s'il le désire, s'il le veut, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah Jalla wa Ala, lorsque il a créé les cieux et la terre, ensuite il dit, puis il s'est élevé, établi au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Et cela a eu lieu donc après la création des cieux et de la terre. Après la création des cieux et de la terre. Taïb. Donc vous avez vu, il faut faire la distinction entre les attributs liés à l'essence, les attributs d'essence, et les attributs liés aux actions, les attributs d'actes, si vous voulez. Et c'est pour cela que ce qu'il faut comprendre, que les attributs liés à l'essence, on dit, par exemple, l'élévation d'Allah au-dessus de sa création, c'est une qualification qui est inhérente à son essence. Subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ensuite, ce qu'il faut savoir maintenant, en ce qui concerne le sens de al-istiwa. Les savants, comme on a dit, que par la grâce d'Allah, que dans tous les domaines, lorsque vous voulez étudier différents domaines, vous pouvez revenir aux sources. Comme on l'avait expliqué hier. Vous pouvez revenir aux sources, pourquoi? Parce que les différents domaines, les différentes sciences ont été préservées et protégées. Comme on l'avait expliqué dans le cours dernier. C'est-à-dire que celui qui veut s'approfondir et lire de l'histoire. L'histoire, par exemple, tarikh des musulmans et des différentes dynasties et empires. Alhamdoulilah, les sources sont là. Et il y a les livres et la personne peut lire et apprendre tout ce qui est lié à l'histoire de l'islam, des musulmans, l'histoire des différentes dynasties et autres. De même, on a dit pour le domaine de la croyance, le domaine de la jurisprudence. Regardez par exemple, c'est le savoir des différents grands imams de la communauté, par exemple. Vous voyez bien que la science de l'imam Malik, par exemple, a été préservée. C'est pour ça qu'ensuite, ça a constitué une école, un madhab, comme l'imam Ahmed ibn Hanbal. Son savoir a été préservé et ça a constitué ensuite une école juridique, comme pour Abu Hanifa et comme pour Shafi'i. Comme on a dit, il y a eu d'autres grands imams aussi dans la communauté. Donc même le domaine de la jurisprudence, celui qui veut étudier le domaine de la jurisprudence à sa source, il le peut. Il peut le faire. Il peut le faire. Il faut revenir juste aux livres qui font office de référence dans le domaine. C'est-à-dire qu'une personne qui voudrait s'approfondir et se spécialiser dans le fiqh al-maliki, est-ce qu'il a les moyens de le faire? Naam. Est-ce qu'il y a les livres qui enseignent le madhab al-maliki en profondeur à sa source? Naam. Et le livre qu'il y a entre nos mains en est un exemple. Et de même pour la croyance, et de même pour la langue arabe. Et moi j'insiste sur ça, pour la langue arabe. Pour la langue arabe, celui qui veut comprendre la langue arabe et les termes et les vocabulaires qui y sont mentionnés, il peut revenir à la source. Pourquoi? Parce que la langue arabe a été préservée. Et nous, ce qui nous incombe ici, c'est de comprendre les textes, les mots, hein, la langue arabe, à sa source. Donc quel est le sens de l'istiwa? Comme l'explique lui-même Cheikh Fawzan dans le commentaire, il va mentionner les quatre sens qui ont été émis par les grands imams de la communauté, par les grands imams. Et c'est, si vous voulez, ça a été résumé dans quelques vers par Ibn Qayyim. Ibn Qayyim, en quelques vers, il a résumé cela. Et Cheikh Al-Fawzan, dans son commentaire, il a mentionné justement ces quelques vers que mentionne Ibn Qayyim. Et dans ces quelques vers, vous allez voir que il va mentionner Ibn Qayyim, rahimahullah, les quatre sens. Les quatre sens qui sont dans la langue arabe, hein, lorsque vous revenez aux sources, du terme al-istiwa, du mot al-istiwa. فقال ابن القيم فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذلك قد صعد الذي هو رابع أبو عبيد صاحب الشيبان يختار هذا القول في التفسير يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. Ça, c'est les vers qu'a mentionné Ibn Qayyim. Dans ces vers-là, dans le sens, il commence « فَلَهُمْ عِبَارَةٌ عَلَيْهَا أَرْبَعٌ » Il mentionne « فَلَهُمْ عَلَيْهَا أَيْ فِي مَعْنَ لَفْضِ الْإِسْتِوَى » أَرْبَعَ تَفْسِيرَاتِ. Donc, il y a quatre sens. « إِسْتَقَرَّ » en arabe « وَعَلَى وَارْتَفَعَ وَصَعَدَ » ou « سَعُدَ » Et Hacham Fawzan, dans son commentaire de l'Wasitiyya, il va les mentionner, ces quatre sens-là, et même les détailler, et même le détailler. Il dit, ceci est un énoncé clair en la matière, stipulant le sens propre et ne pouvant se plier à une interprétation autre. Al-Istiwa a le sens de Istaqarra, c'est l'établissement, et un attribut relatif, comme on a dit, sifatun fi'aliyya, de l'acte, qui s'applique à Allah subhanahu wa ta'ala, de la façon qui s'en convient à sa magnificence, comme c'est le cas pour tous ses attributs. Et ce terme a dans la langue arabe quatre sens, qui sont ala, comme on a dit, ala, c'est-à-dire être au-dessus, wartafa'a, s'élever au-dessus en hauteur, wa sa'ada, Sahada, c'est le fait de monter. Wastaqarra, dans le sens de s'établir. Et donc l'explication par les salafs, les pieux prédécesseurs du terme al-istiwa, mentionné dans ces nobles versets, se limite à ces quatre sens. Donc quel est le sens de l'istiwa, comme il a été compris par les salafs? Ala wa irtafa'a wa sa'ada wa istaqarra. C'est-à-dire que al-istiwa est dans le sens de Allah s'est élevé, s'est établi au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Et on voit que, pour cela, dans sept passages, il y a sept versets où Allah stipule bien le terme al-istiwa, qu'il s'est établi et élevé au-dessus de son trône. Donc on a par exemple, très rapidement, et dans le Wasitiyya, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah cite les sept passages du Coran où qu'il y est mentionné al-istiwa. Et il y a par exemple la parole d'Allah, donc je vous lis tout de suite la traduction des sens, hein, pour faire rapide. Le tout miséricordieux s'est établi, yani istawa ala l'arche. Comme c'est dans le verset de Surat al-A'raf, dont le sens se retrouve dans sept endroits. Donc il y a Surat al-A'raf, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis istawa ala l'arche. Il s'est établi au-dessus de son trône. Et on a encore, Allah dit dans Surat Yunus, par exemple, votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en six jours, puis istawa ala l'arche. Il s'est établi, élevé au-dessus de son trône. Il a dit aussi Allah Jalla wa'ala dans Surat Ar-Ra'd. Allah, traduction relative sens verset, Allah est celui qui a élevé, c'est-à-dire bien haut les cieux, sans pilier visible, et il s'est établi plutôt sur le trône. On a dans Surat aussi Taha. Dans Surat Taha, Allah, traduction relative du verset, dit Ar-Rahman an al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi, élevé au-dessus de son trône. Il y a aussi dans Surat Al-Furqan, où Allah dit, traduction relative, et le tout miséricordieux s'est établi ensuite sur le trône. Et il dit aussi dans la Surat Al-Sajda, Allah subhanahu wa ta'ala, traduction relative, et dit, Allah qui a créé en six jours les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, ensuite il s'est établi, istawa ala l'arche. Il s'est établi sur le trône. Et il dit aussi dans la sourate Al-Hadid. Al-Hadid, c'est lui Allah, traduction relative hein, du sens du verset, c'est lui Allah qui créa les cieux et la terre en six jours, puis ensuite, istawa ala l'arche. Il s'est établi et élevé au-dessus du trône. Élevé au-dessus du trône. Donc le sens est clair. Et c'est mentionné maintes fois dans le Coran. Allah le mentionne maintes fois dans le Coran. Donc qu'est-ce qu'on retiendra? Lui-même, donc dans cette explication, dans le Wasitiyya, lui-même, Cheikh Al-Fawzan, il dit on retiendra de l'ensemble de ces versets, qu'est-ce qu'on retient de l'ensemble de ces versets qui ont été lus? L'affirmation qu'Allah s'est bien et bien établi au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Par contre, de façon qui convient à sa magnificence, à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Personne ne connaît le comment. Personne ne peut s'imaginer le comment. Personne ne peut concevoir le comment. Et nulle comparaison ne doit être faite entre le Créateur et la créature. Et pour cela, on ne peut pas faire ni de falsification, ni de négation. Et Cheikh Posa dit, et cela, ces versets-là qu'on vient de lire, renferment la réplique à ceux. Donc cela, vous avez vu les versets, les frères, qu'on vient de lire, ça renferme quelque chose aussi. Il y a une réplique à ceux qui interprètent al-istiwa comme étant al-istila, dans le sens de istaoula, comme on l'avait mentionné hier, le fait de penser que ça veut dire dominer, ou bien s'accaparer, ou bien le fait que ça soit une prise de possession. Et c'est très pertinent, dans le même commentaire de l'Ouassitiya, Cheikh Al-Fawzan va mentionner quatre points prouvant qu'il n'est pas possible d'interpréter al-istiwa par al-istila, de dire que l'istiwa il vient dans le sens de istaula, comme le font ceux qui ont recours à l'interprétation dans le domaine des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va citer 4 points, notez-les bien les 4. 4 points qui font que cette interprétation n'est pas possible, elle est non valable pour plusieurs raisons, il va mentionner 4. Premièrement, je vais le faire très vite, hein. Premièrement, c'est une explication qui est inventée. Premier point, cette explication elle est inventée. Et elle est contraire à l'explication qui nous est rapportée de nos salafs, des pieux prédécesseurs, tels que les compagnons, leurs disciples, et ceux qui les ont suivis. Vous savez, les premiers à avoir proféré de tels propos, expliquaient l'istiwa de cette manière, hein, en essayant de falsifier et d'altérer son sens, ce sont Al-Jahmiya. C'est Al-Jahmiya, les adeptes et les partisans de Jahm ibn Safwan. Et les Mu'tazila, les partisans de Amr ibn Ubayd, Wasil ibn Atta. Wasil ibn Atta, na'am. Et ce sens est donc rejeté. Ça c'est premier point. Deuxième point, pourquoi cette interprétation que l'istiwa serait dans le sens de l'accaparation, le fait de s'accaparer plutôt, le fait de s'accaparer, c'est-à-dire l'accaparement, ou la domination, la prise de possession. Deuxièmement, si le sens de l'istiwa serait ce sens-là, la prise de possession de la royauté, alors il n'y aurait en ce domaine pas de différence entre le trône, la septième terre inférieure, les animaux et l'ensemble des créatures. Car il domine toutes ces choses et les possède toutes. Allah possède. C'est-à-dire Allah Jalla wa'ala, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, ensuite il s'est élevé au-dessus de son trône, il s'est établi au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Si ça serait dans le sens al-istiwa, la prise de possession de la royauté, alors il n'y aura en ce domaine pas de différence entre le trône et donc, par exemple, la septième terre inférieure, les animaux ou l'ensemble donc des créatures, car il domine toutes ces choses et les possède toutes. Cela n'a donc aucun sens de citer le trône en particulier. Pourquoi citer le trône en particulier? Pour vouloir sous-entendre la possession, la prise de possession, puisqu'Allah possède déjà toute cette création. Troisièmement, qui prouve la non-validité de l'interprétation d'Al-Istila, elle est dans le sens Istawla, cette formule, Istawa ala al-Arsh, le fait de s'établir au-dessus du trône, a été répété régulièrement dans le Coran et la Sunna. Vous avez vu, ça a été répété régulièrement, et jamais elle n'a été citée sous la forme Istaoula. Jamais elle n'a été citée sous la forme Istaoula. Donc Shir dit, c'est-à-dire s'emparer du trône, ce qui aurait permis d'interpréter les autres textes à la lumière de celle-ci, si ce sens-là avait existé. Donc, dans le Coran et la Sunna, le terme istawa a beaucoup été mentionné et répété. Est-ce que vous avez déjà le terme istaula qui a été mentionné? Là. Donc, on ne peut pas interpréter l'istiwa par istaula. Et quatrièmement et dernièrement, il dit l'expression en question a été introduite par thumma. C'est-à-dire, lorsqu'il dit l'expression en question, c'est-à-dire l'istiwa. Al-istiwa, vous avez vu dans les versets, Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Par exemple, dans ce verset, c'est ala al-arsh istawa. Dans les autres versets, lorsqu'Allah, il a cité qu'il a créé les cieux et la terre, il dit thumma istawa ala al-arsh. Ensuite, il s'est établi élevé sur son trône, subhanahu wa ta'ala. Et de là, on a la particule thumma, dans le sens de ensuite, ensuite, qui exprime un ordre chronologique. Ça exprime un ordre qui est chronologique, et donc un délai. Donc si par le fait de istawa ala al-arsh, ça serait le sens de al-istila, et l'istila qu'on traduirait par le fait de s'accaparer ou dominer le trône, cela n'aurait pas dû, pour se réaliser, attendre la création des cieux et de la terre, puisque le trône avait déjà existé, le trône existait déjà 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, avait déjà créé le trône avant la création des cieux et de la terre, subhanahu wa ta'ala. Comme cela est mentionné dans l'authentique de l'imam Muslim. Donc comment on peut admettre qu'il fut incapable de le dominer et de se l'approprier avant d'avoir créé les cieux et la terre? Parce que ça voudrait dire que il a créé les cieux et la terre, thumma, ensuite il s'est accaparé et a dominé le trône. Alors que le trône était déjà existant de 50 000 ans avant. Vous avez compris ce quatrième point que mentionne Sheikh Al-Fawzan. Ce qui annule ici, eh ben, l'interprétation, cette interprétation erronée, est fausse de dire al-istiwa bimarna istaula. Ce qui est faux. Donc Sheikh ensuite, il continue. Donc, le sens de l'istiwa dans la langue arabe, lorsqu'on revient à la source, on a dit qu'il faut toujours revenir à la source, le sens c'est istaqarra wa ala wa irtafa'a wa sa'ada. Bikhilafi tafsirat al-mu'attila. Contrairement donc aux explications des négateurs. Famathalan, il dit fal-jahmiyatu yunkiruna al-ulu wa yunkiruna al-istiwa. Par exemple, Al-Jahmiyya, la doctrine Al-Jahmiyya, les partisans, comme on a dit précédemment, Jahm ibn Safwan, eux, on niait le fait, on désapprouvait le fait que Allah soit élevé. Aussi bien, yunkirun al-ulu, aussi bien ils ont nié l'attribut de l'élévation, comme ils ont nié l'attribut de al-istiwa. Al-istiwa. Et ils disent, wa yaqulun Allah, في كل مكان حتى في أمكنة القاذورات والحمامات ولا ينزهونه سبحانه وتعالى فهم ينكرون العلو لله جل وعلا يقولون هو في كل مكان تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Donc Al-Jahmiya et leurs semblables avec leurs disciples, eux, ont interprété en disant, on nie l'élévation d'Allah, et on dit, Allah est avec ses créatures, fait kulli makan, en tout lieu. En tout lieu. Ce qui est erroné, ce qui est faux, et c'est une innovation. Et Allah est au-dessus de ce qu'il lui impute, subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur répondra à cela, il va répondre à cela, regardez, lorsqu'il dit, il est, c'est-à-dire Allah, par son essence sur son trône glorieux, et par sa science en tout lieu. Et par sa science en tout lieu. Vous savez, beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses ensuite, comme on a dit, hein, comme on a dit avec... imaginez-vous qu'il y a, depuis l'envoi du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a près de 15 siècles. Vous avez vu la valeur d'un siècle. Le temps qui constitue un siècle. Un siècle, c'est 100 ans, 100 années. Imaginez-vous en 100 ans tout ce qui peut se passer. C'est dur, par exemple, de préserver une chose 100 années et garder cette chose selon sa pureté. Alors imaginez-vous, au bout de 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, les savants de toutes les générations se sont toujours efforcés de garder l'islam et la croyance musulmane selon sa pureté. Garder la pureté de cette aqida, de cette croyance. Vous avez vu, déjà en quelques années d'existence, lorsqu'un être humain il vit quelques années, il voit déjà du changement en quelques années. Donc imaginez-vous tout ce temps-là qui s'est écoulé, et bien déjà les premiers siècles, les gens avaient déjà adhéré à des convictions et des croyances qu'on ne peut s'imaginer. Toute forme de croyances qui se sont propagées à travers les nations. Par exemple, certains pensaient que certaines divinités terrestres, c'était l'incarnation du Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Et lorsque vous leur demandez pourquoi tu adores cette divinité, ils te disent c'est l'incarnation du Seigneur. Le Seigneur a été incarné. Alors en pensant que c'est l'incarnation du Seigneur, ils ont voué adoration à toute forme et toutes sortes de divinités. Et dans notre communauté, par exemple, Roulat, Sophia, par exemple, eux ont pensé que le Seigneur s'est mélangé à sa création. Et que ses créatures et le Seigneur ne font qu'un. Et qu'en toute chose dans ce monde, il y a, en toute chose dans ce monde, le Seigneur. Et Allah est au-dessus de ce qu'il lui impute et ce qu'ils disent à son sujet. C'est ce qu'on appelle l'entité unique. A'udhu billah. Qu'Allah nous préserve de ses croyances. Et c'est pour cela qu'on va expliquer ensuite dans ce qui va venir, puisque l'auteur va faire allusion à ce qu'on appelle la question de Al-Ma'iyya, le fait qu'Allah est avec nous, malgré l'élévation d'Allah, malgré le fait qu'Allah est élevé au-dessus de toutes ses créatures, il est au-dessus de tout, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, Allah Jalla wa ala est proche de nous. Vous avez vu? Malgré, maintenant qu'on a appris l'élévation, Allah est élevé au-dessus de tout. Et c'est ça aussi ce qui dénote la perfection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que rien n'est au-dessus de lui. Et bien sachez que malgré l'élévation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela qu'on a parlé des cieux et de la terre, ensuite on a parlé du coursier, ensuite on a parlé du trône. Et bien malgré l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il se soit établi au-dessus de son trône, et bien ça n'empêche pas qu'Allah soit proche de nous. C'est ça ce qu'on appelle Al-Ma'iyya. Mais il ne faut pas comprendre qu'Allah est proche de nous dans le sens qu'il s'est mélangé physiquement à ses créatures dans ce monde. Mais Allah est proche de nous par sa science et son savoir subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il y a deux catégories de ma'iyya, comme on le verra, deux catégories de al-ma'iyya. Il y a al-ma'iyya qui est générale, dans le sens absolu, qui est générale dans le sens absolu, dans le sens qu'Allah est avec toutes ses créatures, tous les êtres, il est proche d'eux. Mais lorsqu'on dit qu'il est avec toutes ses créatures, il est proche de ses créatures, dans le sens qu'il est avec eux par son savoir, subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit précédemment, il ne s'est pas mélangé à eux physiquement, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, Jalla wa ala, rien ne lui échappe, comme on a appris dans les cours précédents. Et Allah est proche de nous, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que l'auteur ensuite, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, et Allah, par sa science est en tout lieu. Par sa science est en tout lieu. Comme il le dit. وَأَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِعِلْمِهِ. Il est par sa science en tout lieu. خَلَقَ الْإِنسَانَ وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et Allah, il nous dit ensuite l'auteur, il a créé l'homme, c'est ce que son âme lui suggère, et se trouve plus près de lui que sa veine jugulaire. Vous avez vu la veine hein, qui passe dans le cou, hein, qui est proche du cou, qui passe dans le cou. Allah nous dit, il sait Allah. يَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. Tout ce que ton âme te suggère, Allah le sait. Toutes ces idées qui te passent par la tête, dans ton esprit, Allah en a connaissance. rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit qu'il est plus proche de l'homme, il est plus près de lui encore que sa veine jugulaire. Ajib. Que sa veine jugulaire. Et là, c'est pour ça que ensuite, Cheikh Al-Fawzan va nous expliquer le sens de cela. On avait premièrement expliqué le premier sens donc de Al-Ma'iyya, première catégorie, d'une manière générale, Allah est proche donc de ses créatures, par sa science. Et la deuxième catégorie, les savants disent, dans le sens que il y a une ma'iyya qui est spécifique. La première, elle est générale, et la deuxième, elle est spécifique. Elle est spéciale. Al-ma'iyya, je vais rester sur le terme en arabe, qui est spécifique. Ceux à qui Allah accorde le secours, l'assistance, wa nasr, wa ta'yid, ceux qu'Allah Jalla wa Ala, parmi les croyants, parmi ses alliés, ceux à qui il y a une ma'iyya spécifique. Il va leur accorder le soutien, son soutien, son appui, son aide, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est al-ma'iyya qui est khas, bil mu'minin, bil muttaqin. C'est une ma'iyya qui est spécifique, spéciale pour les pieux, les vertueux, ceux qui font preuve de crainte. Taïb. Taïb. Donc l'auteur ensuite dit, après qu'il ait dit وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبَلِ الْوَرِيدِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الكتاب ما هو الكتاب إلا في كتاب مبين. Regardez ensuite l'auteur dit, il n'est pas de feuilles qui tombent dont il n'est connaissance, ni de graines à l'intérieur des ténèbres de la terre, ni de pousses, ni de végétal dur qui ne soit consigné dans un livre explicite. Dans un livre explicite. Donc vous avez vu que l'auteur, ça c'est la parole de l'auteur, vous avez vu qu'il fait référence ici à un verset, à Sainte. Il fait référence à un verset qu'on avait mentionné hier, qu'on avait mentionné dans le cours d'hier, ce verset qu'il y a dans Sourate Al-An'am. Donc il fait référence ici au verset. Donc, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Donc, il n'y a pas, comme dans ce verset il est dit, une feuille sur terre qui tombe sans qu'Allah le sache. Ça prouve ici l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa connaissance parfaite. Jalla Jalalu. Tout ce qui se passe dans son royaume, rien ne se passe sans qu'il le veuille et sans qu'il le sache. Sahoulala. Rien ne se passe dans son royaume sans qu'il le veuille et sans qu'il le sache. Sauf qu'à la fin du verset, lorsqu'Allah aussi dit, et il n'y a ni aussi de graines à l'intérieur des ténèbres de la terre qui ne poussent, ni de végétal dur qui ne soit consigné dans un livre explicite. Quel est ce livre explicite? Il l'a fi kitabin mubin. Même arna al-kitab al-mubin ici. Ici, le cheikh nous explique que c'est al-lawh al-mahfouz. Al-kitab al-mubin, ici, qui est mentionné dans le verset, c'est al-lawh al-mahfouz. Alladhi kutibat fihi maqadir al-khalaiq ba'da ilmillahi jalla wa ala biha. Ba'da ilmillahi jalla wa ala biha. Faqad alimaha awalan thumma katabaha thaniyan. لأن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع. Cheikh nous dit, tout ce qui est dans l'Lawh al-Mahfouz, c'est tout ce qui a été consigné et écrit. Et écrit, fi al-Lawh al-Mahfouz. Al-Mahfouz. طيب. Après, il dit فَقَدْ عَلِمَهَا عَلِمَهَا اللَّهُ plutôt فَقَدْ عَلِمَهَا أَوَّلًا ثُمَّ كَتَبَهَا ثَانِيًا. Et là, il va dire, c'est pour cela que la croyance au qadr, la croyance au destin, au décret d'Allah, pour y croire comme il se doit, il faut croire à ce qu'on appelle les quatre maratib. Les quatre maratib du qadr. Vous avez vu, Al-Lawh Al-Mahfouz, c'est tout ce qui était consigné, écrit dans Al-Lawh Al-Mahfouz, qui est souvent traduite par la table préservée. La table préservée. C'est-à-dire que tout ce qu'il va se passer dans cet univers est inscrit. Tout a été inscrit. Et tout est préservé. Fi Lawh Al-Mahfouz. Et c'est pour cela que dans le décret, dans le destin, il y a 4 degrés. Il y a 4 degrés pour le destin. Al-Ula, martabat al-ilm. Al-Ula, martabat al-ilm. Fadal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Donc pour terminer, donc là le cheikh nous explique les quatre différents degrés du qadr. Du qadr, c'est-à-dire ce qu'on appelle le décret d'Allah, le destin, du destin. Pour croire bien au destin, et vous connaissez le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, le long hadith de Jibril, alayhi salam, lorsque Jibril, sa'ala an-nabi, alayhi salatu wassalam, anil iman, il a interrogé le prophète, alayhi salam, au sujet de Al-Iman, et le prophète, parmi les arcan al-Iman, il a mentionné Al-Qadr. Lorsque Jibril dit au prophète, Akhbirni al-Iman, le prophète, قال, An tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawm al-akhir wa al-Qadr khayrihi wa shar. Tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au qadr. Et au qadr. Pourquoi? La croyance au qadr fait partie des piliers de l'iman. Une personne qui mécroit au qadr n'est pas mu'min. Ne peut pas être croyant. Il doit croire en ces six. Et l'ordre est très simple à retenir. Vous pensez croire en Allah. Ensuite, Allah envoie les anges. Les anges viennent avec un livre pour les messagers qui vont avoir la révélation d'un nouveau livre. Ensuite, ce livre-là est justement transmis aux messagers qui vont avoir un nouveau livre. Et ensuite, eux vont avertir, justement, et vont enseigner comment se préparer pour ce jour dernier et croire au destin. Lorsque, dans le hadith de Jibril, comme on l'avait appris, alhamdoulilah, avec les enfants de la mosquée, on avait appris que l'histoire du hadith de Jibril, lorsque justement Jibril est venu interroger le prophète sallam au sujet de ma akhbirna an al-islam, akhbirna an al-iman, wa an al-ihsan, wa an al-sa'a, tout ce hadith-là, c'est Omar ibn Khattab qui le rapporte, qui l'a entendu du prophète sallam, comme il est rapporté que d'autres compagnons aussi ont entendu ce récit du prophète sallam. Et c'est son fils Abdallah ibn Omar qui l'a raconté justement. Qui l'a raconté à des gens. Qui étaient ces gens? C'est justement des gens qui venaient d'Irak. Des gens qui venaient d'Irak. Et il y avait un homme qui s'appelait Yahya ibn Ya'mur. Yahya ibn Ya'mur qui a fait un voyage avec son compagnon, un compagnon à lui qui s'appelait Humayd ibn Abdurrahman. Et ils venaient d'Irak. Et ils allaient faire le Hajj. Certaines variantes dites Al-Hajj et d'autres variantes dites Al-Umrah. Ils allaient faire l'Umrah ou le Hajj. Et eux, ils venaient d'Irak, donc ils allaient en terre de la péninsule arabique vers Ard al-Haram. Lorsqu'ils ont fait le pèlerinage, ils ont voulu, à l'époque, c'était à l'époque des compagnons, ils ont voulu rencontrer des compagnons pour leur poser une question. Et ils ont rencontré Abdallah ibn Omar, qui était à la mosquée. Lorsqu'ils ont vu Abdallah ibn Omar, qui était à la mosquée, ils se sont mis autour de lui, qui Yahya ibn Ya'mur ou Humayd ibn Abdurrahman, se sont mis autour de lui et ils lui ont fait part d'une question. Ils avaient une question. Les savants nous ont dit, de ce fait, on apprend que déjà à l'époque, hein, des successeurs des compagnons, de leurs adeptes, de leurs disciples, déjà il y avait le fait de cette volonté que lorsqu'on fait un hajj ou un umrah, de rencontrer les ulama ou ahl al-ilm. Pourquoi? Parce que eux, ils ont voulu rencontrer les compagnons min ahl al-ilm. Ils avaient une question. Et là, il y a beaucoup de fawaït. Lorsqu'ils ont vu Abdallah ibn Omar, c'était pour lui demander une chose. Et cette chose, ils lui ont dit, « Ya Abdallah, on vient de terre d'Irak, et en Irak, il y a des gens qui nient le destin. Ils ne croient pas au qadr. » Et à leur tête de ces gens, il y avait un homme qui s'appelait Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Il leur dit, « Il y a des gens qui ne croient pas au destin. » Alors donc il pose la question à Abdallah ibn Omar. Des gens chez nous en Irak, ils commencent à propager. Donc on est à l'époque des compagnons. Il reste des compagnons. Déjà, ils sont en train de propager quelque chose de pas grave, de grave, de très grave. Il n'y a pas de destin. Donc déjà, ça commence, déjà on enlève un pilier de l'Iman. Ça commence. Il n'a pas fallu attendre 13 ou 14 siècles ou notre époque pour déjà vouloir enlever des piliers. Déjà, premier siècle des compagnons, ils ont voulu déjà enlever le pilier de l'Iman qui est le Qadr. Donc, maintenant, il y a plusieurs réactions. Nous, ce qu'on attend, c'est la réaction du compagnon Abdallah ibn Omar, l'un des plus fervents dans l'application de la sunna du messager d'Allah, qui a appris avec le messager d'Allah. Sachez que Abdallah ibn Omar, sa sœur, était l'épouse du prophète. Donc Abdallah ibn Omar pouvait rentrer visiter sa sœur. C'est pour ça qu'il a rapporté certains hadiths qui étaient liés à des choses de la maison. Al-Muhim, Abdallah ibn Omar, lorsqu'ils lui ont fait part de ce que disait Ma'bad al-Juhani fi Ard al-Iraq, fi Nafi al-Qadr, qu'est-ce qu'a dit Abdallah ibn Omar? Dites-leur que Abdallah ibn Omar bari'un min ha'oula. Abdallah ibn Omar est innocent de ha'oula. Il est innocent d'eux et se désavoue d'eux. Et dites-leur que s'ils avaient l'équivalent de la montagne de Houd en or, et que tout cet or-là, ils le dépensaient en aumône dans le sentier d'Allah, Allah n'accepterait pas d'eux jusqu'à ce qu'ils croient au Qadr. La montagne, l'équivalent de la montagne de Houd. Imaginez-vous, vous avez vu la montagne de Houd, fil Medina. Donc c'est une grande montagne à Médine. Et bien toute cette montagne, imaginez-vous une personne qui possède toute cette montagne en or. En or. Min dahab. En or. Et bien Abdallah ibn Omar dit, si ces personnes-là qui nient au Qadr, ils possèdent l'équivalent en or, hein, il n'a même pas dit en argent, en or, min dhahab, en or, et ils dépensent cela, fi sabilillah, il dit Allah n'accepterait pas d'eux. Jusqu'à ce qu'il croie en Qadr, ثم قال سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر إلى آخر الحديث. Et là, Abdallah ibn Omar récita tout le récit, tout le hadith de son père lui avait enseigné, que son père lui avait enseigné, c'est-à-dire le hadith de, qui est célèbre, de Jibril. Lui, pour terminer, c'est qui a entendu ça de Abdallah ibn Omar? C'est Yahya ibn Ya'mar. Quand ils vont revenir, il va l'enseigner. Il va l'enseigner. Et parmi ceux ensuite qui vont le rapporter de Yahya ibn Ya'mar, il y avait un homme qui s'appelait Abdallah ibn Buraïda. Le célèbre Abdallah ibn Buraïda, célèbre rapporteur de hadith. Il va l'entendre de Yahya ibn Ya'mar et lui, il va le rapporter à un homme qui s'appelait Kahmas. Et jusqu'à ça va aller jusqu'à l'imam Muslim, jusqu'à que ça va arriver aux oreilles de l'imam Muslim, et là il va faire la recherche de transmission, et il va le citer comme le premier hadith dans le Sahih Muslim. Donc l'importance du Qadr. Croire en Qadr, c'est croire au ilm, ou au kitaba, ou au mashi'a, ou au khalq, ou à naktafi bihada, ou à c'est nous comme inshallah le kalam fi hadil masala fi yomi ghadn, inshallah. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.